نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله المؤمنون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سنة من سنن الله في الخلق والتكوين أن العبد بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف المشيب، وما بينهما إنما هي القوة التي تؤول إلى الزوال. فما الطفولة؟ وما مظاهر عناية الإسلام بالطفولة؟ وما حق المولود على والديه؟ أما الطفل فهو المولود، والطفولة مرحلة بين الميلاد والبلوغ كما جاء في معاجم اللغة العربية. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تعلموا جميعا أن الطفل هبة من الله وعطاء منه. قال الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte, et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Allah dit dans le Coran: Allah, c'est lui qui vous a créé faible, puis après la faiblesse, il vous donne la force, puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Une règle parmi les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création de l'homme et sa formation, le fait que le serviteur se retrouve entre deux faiblesses, la faiblesse de l'enfance et la faiblesse de la vieillesse. Et entre ces deux faiblesses se trouve la phase de force de l'homme, mais cette force est amenée à disparaître. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'enfance ? Quels sont les signes montrant l'importance que donne l'islam à l'enfance et quels sont les droits des enfants envers leurs parents? C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce discours. Donc l'enfance est le nouveau-né. L'enfance, c'est la période allant de la naissance jusqu'à la puberté. Chers frères et sœurs, il faut que chacun d'entre nous sache premièrement que l'enfant est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala et une grâce venant de lui. Allah dit dans le Coran: à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut, il fait don de fille à qui il veut et don de garçon à qui il veut, ou bien il donne à la fois garçon et fille, et il rend stérile qui il veut, il est certes omniscient et omnipotent. Masha'Allah al-Muslimi. Inna karahiyat al-banati jahiliyatun baghidah wal jahalatu min al-muslimin man da'ufa dinuhu wa yaqinuhu yaf'alu fi'l al-jahiliyati fi tadammurihi wa alamihi idha wulidat lahu untha kama qala Allah 'azza wa jalla fi sha'nihim wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fi at-turab ala sa'a ma yahkumun. ومنهم من يهدد زوجته إذا ولدت له أنثى فهي طالق ونسي هذا الغبي أن الفعل والأمر بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وفي ذلك يقول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال، يعني الملك: يا ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي، أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. ومن طرائف العرب أن رجلا كان يقال له أبو حمزة ولدت له زوجته بنتا فهجرها، فمر على خيمتها يوما فسمعها تداعب ابنتها تقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نرد البنينا، تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا. فرجع أبو حمزة عن هجره وقبل رأس ابنته وزوجته حيث أدرك أن الأمر بيد الله وحده لا شريك له. بل يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبنات، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم صلى الله عليه وسلم أصابعه، رواه مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار، رواه أحمد. شرط الإسلام. Le fait de détester avoir des filles est une attitude anti-islamique détestable. Mais il existe encore des musulmans ignorants dont la religion et la foi sont faibles, et ils sont attristés et peinés lorsque leur épouse met au monde une fille. Allah parle de ces gens-là dans le Coran et il dit: et lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte, ou l'enfouira-t-il dans la terre? Comment est mauvais leur jugement? Et certains menacent même leur épouse, si elle met au monde une fille, de la répudier. Mais cette personne n'est pas intelligente, car elle a oublié que cette décision n'appartient pas à sa femme, mais cette décision appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque la goutte de sperme arrive au terme de 42 nuits, donc dans l'utérus de la femme, Allah y envoie un ange qui la façonne, crée son oreille et ses yeux, sa peau, sa chair et ses os. Puis il dit, c'est-à-dire l'ange: ô Seigneur, de sexe masculin ou féminin, Allah décide ce qu'il veut. L'ange inscrit cela, puis l'ange dit: ô Seigneur, quelle est la durée de sa vie? Allah décide ce qu'il veut, l'ange écrit alors, puis il dit: ô Seigneur, quelle sera sa richesse? Allah décide ce qu'il veut, l'ange inscrit cela, puis l'ange sort de l'utérus de la femme, le registre à la main, n'ajoutant rien aux ordres d'Allah et ne diminuant rien. Hadith est rapporté par Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande d'avoir des filles, car il dit: celui qui éduque deux filles jusqu'à ce qu'elles intègrent l'âge de la puberté, lui et moi ressusciterons le jour de la résurrection de cette façon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam joignit les doigts de la main, c'est-à-dire très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est également rapporté par Muslim. Et le prophète dit dans un autre hadith: celui qui a trois filles se montre patient envers elles, les nourrit, leur donne à boire, les vêtit de sa richesse, elles seront pour lui une protection contre le feu de l'enfer, rapporté par Ahmed. Ibadallah. Amma mazahir ilayat al-islam bi at-tufula. شرع الإسلام الزواج وحث عليه وجعله الوسيلة الوحيدة الكريمة التي يلتقي بها الرجل والمرأة لما فيه من حماية النسل من الضياع واختلاط الأنساب، فكان آية من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وحرم الإسلام الزنا ونفر منه وعاقب عليه، لأنه علاقة حيوانية مبنية على قضاء الشهوة من غير أن يتحمل أحد مسؤولية الولد، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا بد أن تتخير لطفلك الأم الصالحة والوعاء الكريم، لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ولا بد للأب أن يختار لابنته رجلا صالحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. Chers serviteurs d'Allah, quant aux signes montrant l'importance donnée par l'islam à l'étape de l'enfance, l'islam incite au mariage et l'a rendu le seul et unique moyen de rencontre entre l'homme et la femme, car il y a en cela une protection de la progéniture contre sa perte et le mélange des semences. C'est pour cela que le mariage est un signe parmi les signes d'Allah. Allah dit dans le Coran: et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je jeûne parfois et parfois je ne jeûne pas, je dors la nuit et prie, et je me marie avec les femmes, et quiconque déteste ma sunna ne fait pas partie de moi. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et l'islam a interdit la fornication et punit celui qui la commet, car cela est une relation animale ayant pour but d'assouvir ses plaisirs sans que personne ne veuille assumer la responsabilité de l'enfant. Allah dit dans le Coran: et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Et il faut obligatoirement que l'homme choisisse pour sa femme une mère pieuse et vertueuse, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: on épouse une femme pour l'une de ces quatre qualités suivantes: la richesse, la noblesse, la beauté et la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: alors choisis celle qui est pieuse, périsse ta fortune si tu agis autrement. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il faut également que le père choisisse pour sa fille un homme pieux. Il ne faut pas marier sa fille à n'importe qui. Pieux et vertueux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque se présente à vous pour une demande en mariage celui dont vous êtes satisfait en ce qui concerne sa religion et son comportement moral, mariez-le. Si vous ne faites pas cela, cela engendrera le désordre sur terre et une large corruption. Le hadith est rapporté par Imam al-Tirmidhi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa al-dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah al-Azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, salatu wa salam ala nabiy al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustakmilin al-sharafa. Amma ba'd ayyuha al-mu'minun, amma huquq al-mawlud ala walidayhi fakattali. Awwalan al-aqiqa, والعقيقة هي ما يذبح عن المولود من شاة يوم السابع من ولادته. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أبو داود. يقول الإمام ابن القيم شارحا هذا الحديث: قال: الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته، فكانت العقيقة فداء وتخلصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده. ومن أحكامها أن تذبح شاتان للذكر وشاة للأنثى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان يعني متشابهتان وعن الجارية شاة، رواه أبو داود. يقول الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سمرة رضي الله عنه يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عرق عنه يوم 21. وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما كان يجزئ في الأضحية. Chers musulmans, quant au droit de l'enfant envers ses parents, premièrement, ce qu'on appelle l'aqiqa, donc c'est ce qui est sacrifié comme ovin, comme mouton, le septième jour de la naissance de l'enfant. Selon Samura ibn Jundub radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout nouveau-né est otage de sa aqiqa, qui a lieu le septième jour de sa naissance. Ce jour-là, on lui rase la tête et on lui donne son nom. Le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud. Ibn al-Qayyim, le célèbre savant, dit en expliquant ce hadith et en parlant surtout du mot otage de sa aqiqa, il nous dit: Allah n'a prescrit ce sacrifice qu'en vue de libérer le nouveau-né du joug de Shaytan, qui s'est collé à lui dès sa venue au monde et l'a passé à la hanche. La aqiqa est ainsi conçue comme une rançon et un affranchissement de la détention de Shaytan qui l'empêche d'œuvrer pour l'au-delà, lieu de retour final. Et parmi donc les règles de la aqiqa, le fait de sacrifier deux moutons pour un garçon et un mouton pour une fille. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: sacrifier deux moutons semblables, donc il faut qu'ils soient le plus possible semblables pour le garçon, et un mouton pour une fille. Le hadith est rapporté par Abu Dawud. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, dit après avoir cité le hadith de Samura, donc le hadith que chaque enfant est otage de sa aqiqa, il nous dit: et cela est l'avis des savants. Il recommande de sacrifier pour le nouveau-né le septième jour, si cela n'est pas possible le 14e, et si cela n'est pas possible le 21e. Et ils ont dit: les conditions de validité de la aqiqa sont les mêmes que pour le sacrifice du jour de l'Aïd que l'on appelle Al-Udhiya. Thaniya ayyuha al-ikhwatul kiram, halqu sha'r al-walid. يستحب حلق شعر المولود يوم السابع وتصدق بوزنه فضة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة الحقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم، رواه الترمذي. وفي حق شعر المولود تقوية له وفتحا لمسام الرأس وتقوية لحاسة البصر والشم والسمع كما قاله العلماء. وظاهر هذا أنه لا فرق بين الذكر والأنثى لعموم هذه الفوائد في حق الجميع. Deuxièmement, le fait de raser la tête de l'enfant le septième jour et de donner en argent le poids de ses cheveux. Qu'est-ce qu'on veut dire par donner en argent? La personne, elle pèse les cheveux, elle regarde le poids et elle regarde le cours de l'argent à la bourse et elle fait donc une comparaison et elle donne cela en sadaqa aux gens nécessiteux. Selon Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié un mouton le jour de la naissance de Al-Hassan et il a dit: oh Fatima, rase-lui la tête et donne en sadaqa le poids de ses cheveux en argent. Elle les pesa et son poids fut de dirham ou un peu moins. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Et le fait de raser la tête de l'enfant est une fortification pour lui, car cela lui ouvre les pores de la tête et lui renforce la vue, l'ouïe et l'au-delà et l'odorat, comme cela est expliqué donc par les savants de l'islam. Et donc cela est conseillé pour les deux sexes, les garçons comme les filles, car ces avantages sont demandés pour tout le monde. Thalifan, tahnikuhu bitamratin aqib al-wilada. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه بإبراهيم moment de la naissance. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, nous dit: j'ai eu un garçon, je suis venu avec au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a appelé Ibrahim. Et il lui a fait donc ce qu'on appelle être technique avec une date, et a invoqué pour lui la bénédiction et me l'a rendu. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Le technique consiste à mâcher une date ou toute autre chose sucrée, puis de la mettre dans la bouche du bébé et la passer sur son palais, qu'on appelle Al-Hadith, c'est pour ça que ça a été appelé Al-Technique. Et il est conseillé que cela soit effectué par une personne pieuse, homme ou femme. Rabi'an, Al-Tasmiyatu bismin hasan. والافضل ان يكون في اليوم السابع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينه بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه ابو داود ويجوز قبل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليله غلام فسميته باسم ابي ابراهيم رواه مسلم ويستحب تحسين الاسم وافضل الاسماء عند الله تبارك وتعالى وعبد الرحمن كما ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم وتكره التسمية ببعض الأسماء كرباح ويسار ونجاح وفلاح لما ورد في حديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا كأنك تقول لا نجاح ولا فلاح ولا ربح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل الحديث رواه الإمام مسلم وكذلك ينبغي أن يجنبه الاسم القبيح وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم تغيير الاسم القبيح للاسم الحسن فسمى عاصية جميلة وسمى حربا سلمة وسمى المضطجع المنبعث Quatrièmement, le fait de donner un joli nom à son enfant. Et il est conseillé que cela ait lieu le septième jour si cela est possible. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout nouveau-né est otage de sa aqiqa qui a lieu le septième jour de sa naissance. Ce jour-là, on lui rase la tête et on lui donne son nom. Hadith est rapporté par Abu Daoud. Mais cela peut avoir lieu avant cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai eu un garçon cette nuit et je lui ai donné le nom de mon père Ibrahim. Alayhi salam. Hadith est rapporté par Muslim. Il est donc recommandé de donner un joli nom à son enfant. Et les deux plus jolis noms sont Abdullah et Abdurrahman. Les deux plus jolis noms sont Abdullah ibn Abdurrahman et Abdurrahman, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vos noms qu'Allah aime le plus sont Abdullah et Abdurrahman. Le hadith est rapporté par Muslim. Et il est également déconseillé d'appeler son enfant par certains noms, comme Rabah, comme Yassar, comme Najah, comme Falah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Samura ibn Jundub: n'appelle pas ton enfant Yassar, ni Rabah, ni Najir, ni Aflah. Car il se peut que quelqu'un vienne, dise: est-ce que Falah est ici? Et on lui dise non. Comme si on avait dit qu'il n'y avait pas de Falah, il n'y avait pas de victoire, pas de gain, et etc. Donc c'est contre l'optimisme, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé cela. Et il faut également éviter les noms possédant un mauvais sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude de modifier les mauvais noms. Il a changé le nom d'une femme qui s'appelait Asiya, désobéissante, par Jamila, c'est-à-dire belle, et un homme s'appelait Harb, c'est-à-dire guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renommé Silm, c'est-à-dire la paix, et un homme s'appelait El-Muntajir, l'allongé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renommé El-Munbari, c'est-à-dire le renaissant. Khamisan El-Ritab. وهو قطع القلفة من الذكر والختان من سنن الفطرة فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة الخمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط متفق عليه والأفضل أن يكون الختان في زمن الصغر لأنه أرفق بالصبي وحتى ينشأ الصبي على حال الكمال أما حديث جابر رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام رواه البياقي فحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الختان يوم السابع Donc c'est le fait de couper le prépuce du sexe de l'enfant. La circoncision est une sunna parmi les sunnas de la nature originelle, al-fitra, selon Abu Huraira radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la fitra, la nature originelle, est de 5 choses. La circoncision, le rasage du pubis, la diminution de la moustache, la coupe des ongles et l'épilation des aisselles, rapportée par Al-Bukhari au Muslim. La meilleure chose est qu'elle ait lieu pendant les plus jeunes âges, car cela cicatrise plus vite, et que c'est moins douloureux pour l'enfant. Quant au hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la aqiqa de Hassan et bien Hussein et il les a circoncis le 7e jour, ce hadith est faible. Tous les hadiths qui parlent de la circoncision le 7e jour sont faibles. Donc la circoncision peut avoir lieu à tout moment avant la puberté. Et wa l'ikhwatul kiram, nartimu bitanbi, ala wa huwa qadiyatu ta'vini fi l'udhun al-yumna lis-sabi والإقامة في أذنه اليسرى. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فمنهم من استحب ذلك لورود بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لم يستحب ذلك لضعف هذه الأحاديث. ولم يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الحديث الوارد في الأذان في أذن المولود لا يثبت. بل لا يصح في الباب شيء. فيصبح الأذان في أذن المولود غير مستحب. إذ الأحكام الشرعية من واجبات ومستحبات ومحرمات ومكروهات لا تقوم إلا على أدلة صحيحة وأخبار ثابتة. والأخبار في شأن الأذان ضعيفة والأخبار في شأن الإقامة أضعف منها. إذن لا أذان ولا إقامة في أذني الصبي. Nous allons finir dans ce discours par un point. Donc le fait de prononcer l'adhan dans l'oreille droite de l'enfant dès sa naissance et l'iqama dans l'oreille gauche. Ce sujet donc est un sujet de divergence entre les savants. Certains conseillent cela du fait qu'il existe donc certains hadiths prouvant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela à Al-Hassan, et d'autres savants déconseillent cela du fait que ces hadiths sont faibles par rapport donc à la chaîne de transmission. Et ce qui ressort de cela, wallahi indallah, c'est que les hadiths à ce sujet ne sont pas authentiques. Les hadiths à ce sujet ne sont pas authentiques. Donc l'adhan n'est pas une chose conseillée. Donc il n'est pas conseillé de faire l'adhan dans l'oreille de l'enfant, car donc les règles religieuses, toutes règles religieuses, les obligations, les choses recommandées, les interdictions, les choses déconseillées, ne peuvent être instaurées dans l'islam que par des preuves authentiques. Que par des preuves authentiques, et les hadiths sur l'adhan sont faibles, et les hadiths sur l'iqama sont encore plus faibles que ceux de l'adhan. Donc pas d'adhan et pas d'iqama. Asallahu Allah ta'ala bi asmahi al-husna wa sifatihi al-ula an yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu yarda. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم احفظ اخواننا في ليبيا. اللهم احفظ اخواننا في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول عليهم خيارهم. اللهم ول عليهم خيارهم وباعد عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم اجعل دولهم تقام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا